Une immense barrière coupait la route dans le sud-est. C'était la chaîne des Alpes australiennes. Il fallait monter d'une manière continue, et l'on s'en apercevait bien à l'effort des bœufs, dont le joug craquait sous la traction du lourd chariot. La route s'allongea des mille détours que d'inabordables obstacles obligeaient à faire. On campa au pied des Alpes. Le lendemain 9 janvier, ce ne fut pas sans grande difficulté que la petite troupe s'engagea dans le passage des Alpes. On commença à monter. Ce fut une pénible ascension. Plus d'une fois, les voyageurs et leurs compagnons mirent pied à terre. Pendant la journée du 10, les voyageurs atteignirent le plus haut point du passage. Ils se trouvaient sur un plateau. On campa sur le plateau même, et le lendemain, la descente commença. Elle fut assez rapide. Une grêle d'une violence extrême assaillit les voyageurs et les força de chercher un abri sous des roches. Ce n'étaient pas des grêlons, mais des véritables plaques de glace, larges comme la main, qui se précipitaient des nuages orageux. Le chariot fut criblé en maint endroit. Il fallut attendre la fin de cette averse prodigieuse, sous peine d'être lapidé. Ce fut l'affaire d'une heure environ. Vers le soir, le chariot descendait les derniers échelons des Alpes entre de grands sapins isolés. Et les dispositions accoutumées furent faites pour le campement du soir. Le 12, dès l'aube, reprise du voyage, avec une ardeur qui ne se démentait pas. Chacun avait hâte d'arriver au but, c'est-à-dire à l'océan Pacifique, au point même où se brisa le Britannia. Là seulement pouvaient être utilement rejointes les traces des naufragés.